L'enseignement de Ramana Maharshi. Première partie. Entretien numéro 1 à 16. Entretien numéro 1. Un moine errant, un sannyasine, cherchait à clarifier son doute et posa la question suivante au Maharshi. Comment peut-on réaliser que le monde est Dieu? Ramana Maharshi lui répondit: si votre vision devient celle de la sagesse, vous découvrirez que le monde est Dieu. Sans connaître l'Esprit suprême, le Brahman, comment trouveriez-vous son immanence? Entretien numéro 2. Quelqu'un s'enquit de la nature des perceptions. Le Maharshi lui répondit: les perceptions participent de l'état dans lequel on se trouve, quel que soit cet état. L'explication en est que dans l'état de veille, le Jagrat, le corps grossier perçoit les noms et les formes, eux aussi grossiers. Dans le Svapana, l'état de rêve, le corps mental perçoit les créations mentales sous leurs multiples noms et formes. Dans l'état de sommeil profond, la Sushupti, il n'y a plus d'identification avec le corps et donc pas de perception. De même, dans l'état transcendantal, l'identité avec le Brahman met l'homme en harmonie avec toute chose et il n'y a rien qui soit séparé du soi. Entretien numéro 3. Une autre question portait sur la nature du bonheur. Le Maharshi répondit: si un homme pense que son bonheur dépend de causes extérieures et de ce qu'il possède, il est raisonnable de conclure que son bonheur augmentera lorsqu'il possédera davantage et diminuera proportionnellement à la diminution de ses possessions. Par conséquent, s'il ne possède rien, son bonheur devra être réduit à zéro. Or, quelle est l'expérience réelle de l'homme? Correspond-elle à cette optique? Dans le sommeil profond, l'homme ne possède rien, pas même son propre corps. Et au lieu d'être malheureux, il est parfaitement heureux. Chacun désire dormir profondément. La conclusion en est que le bonheur est inhérent à l'homme et n'est pas dû à des causes extérieures. Pour ouvrir les réserves du bonheur parfait, il faut réaliser le soi. Entretien numéro 4. Un jeune homme instruit demanda au Maharshi: pourquoi dites-vous que le cœur est à droite alors que les biologistes le trouvent à gauche? Quelle est l'autorité qu'il affirme? Le Maharshi répondit: c'est vrai, l'organe physique est à gauche, cela est indéniable. Mais le cœur dont je parle n'est pas physique et il est à droite. C'est mon expérience et je n'ai besoin d'aucune autorité pour me le confirmer. Cependant, vous pouvez en trouver la confirmation dans un livre de médecine ayurvédique en Malayalam et dans la Citta Upanishad. Et le Maharshi rapporta le verset du livre ayurvédique et cita le mantra de l'Upanishad. Entretien numéro 5. Un ingénieur du nom de Maurice Friedman. Note du lecteur. Je me permets ici une petite parenthèse. Il s'agit du Maurice Friedman qui a retranscrit les propos de Nisargadatta Maharaj dans l'ouvrage « I am that ». Il était aussi proche du Mahatma Gandhi. Fin de la note. Donc un ingénieur du nom de Maurice Friedman remarqua au sujet de la grâce en disant: Une poupée de sel plongée dans l'eau n'est pas protégée par un manteau imperméable. Cette belle analogie fut applaudie et le Maharshi ajouta la chose suivante. Le manteau imperméable, c'est le corps. Entretien numéro 6. Un moine demanda « Comment empêcher les distractions du mental ?» Le Maharshi répondit « Vous ne voyez les objets que lorsque vous oubliez votre propre soi. Maintenez-vous dans le soi et vous ne verrez pas le monde objectif. » Entretien numéro 7. À la question de savoir si des pouvoirs occultes pouvaient être acquis en même temps que l'omnipotence, comme cela est mentionné dans le dernier verset du Dakshinamurti Ashtakam, le Maharshi répondit « Laissez d'abord l'omnipotence s'accomplir, et alors la question pourra être soulevée. » Entretien numéro 8. Peut-on tirer quelque profit en répétant des syllabes sacrées, des mantras que l'on a recueillis incidemment? Non. Il faut être apte et avoir reçu l'initiation à ces mantras. Le Maharshi illustra cela par l'histoire suivante. Un roi rendit visite à son premier ministre dans sa résidence. Il fut informé que le ministre était en train de réciter des paroles sacrées. Le roi attendit qu'il eût terminé et, l'abordant, lui demanda quel était le japa qu'il récitait. Le ministre lui répondit que c'était le plus sacré de tous, la Gayatri. Note de l'auteur. Le vers le plus sacré du Rig Veda est mantra qui invoque le soleil comme étant celui qui donne la vie et l'inspiration à tous les êtres. Fin de la note. Lorsque le roi exprima son désir d'y être initié par le ministre, celui-ci avoua qu'il n'en était pas capable. Le roi réussit alors à l'apprendre avec quelqu'un d'autre et, quand il revit le ministre, il lui récita la Gayatri en lui demandant son avis. Le ministre l'assura que le mantra était correct, mais qu'il n'était pas convenable pour lui de le réciter. Lorsque le roi demanda avec insistance une explication, le ministre appela un page et lui ordonna d'arrêter le roi. L'ordre ne fut pas suivi. Bien que le ministre répétât l'ordre plusieurs fois, il ne fut toujours pas suivi. Le roi, fou de rage, commanda à son tour au même page d'arrêter le ministre. Et son ordre fut exécuté à l'instant même. Le ministre se mit à rire en déclarant que c'était l'explication exigée par le roi. « Comment ?» demanda le roi. Le ministre répondit « L'ordre était le même, l'exécutant aussi, mais l'autorité était tout autre. Mon ordre ne donna aucun résultat, tandis que le vôtre fut exécuté immédiatement. Avec les mantras, il en est de même. » Entretien numéro 9. Quelqu'un posa la question suivante. Pourquoi les Écritures disent-elles que le sage est comme un enfant? Le Maharshi répondit. Dans un sens, le sage, le jñāni, et l'enfant se ressemblent. Les incidents n'intéressent l'enfant que tant qu'ils durent. Quand ils ont pris fin, l'enfant n'y pense plus. On voit donc qu'il ne laisse sur l'enfant aucune impression et ne l'affecte pas mentalement. Il en va de même chez le sage. Entretien numéro 10. Un visiteur lut la strophe numéro 8 du poème « La vérité révélée » écrit par le Maharshi. À l'intérieur de la caverne du cœur brille, immédiat, le Brahman seul, en tant que je, l'Atman, pénètre dans le cœur par la recherche du soi, par l'immersion profonde ou le contrôle du souffle, et demeure ainsi établi dans l'Atman. Le visiteur demanda comment on pouvait se réaliser en suivant les instructions de cette strophe. La difficulté était la maîtrise du mental. Le Maharshi répondit : On y parvient en contrôlant la respiration. Vous pouvez pratiquer cela par vous-même, sans autre aide, et le mental est maîtrisé. Autrement, il est maîtrisé spontanément en présence d'un pouvoir supérieur. Telle est la grandeur de la fréquentation des sages, le satsanga. Entretien numéro 11. Le destin, le karma, peut-il prendre fin? Les karmas portent en eux-mêmes les semences de leur propre destruction. Entretien numéro 12. Un visiteur demanda au Maharshi : Dites-moi quelque chose. Que voulez-vous savoir ? Je ne sais rien, et je voudrais que vous me disiez quelque chose. Vous savez que vous ne savez rien. Découvrez ce qu'est cette connaissance. Cela est la libération, mukti. Entretien numéro 13. Madame Pigot, une Anglaise, qui avait lu le livre « L'Inde secrète » de Paul Brunton, vint rendre visite au Maharshi. Quelqu'un servit d'interprète. La salle était bondée de visiteurs, dont quelques femmes avec leurs enfants. L'endroit résonnait de bruit, mais finalement le silence s'imposa. Le Maharshi semblait contempler l'espace infini, quand soudain on entendit une voix douce « Singe !» On pouvait observer sur le seuil de la porte un bébé. La mère avait eu un moment d'inattention, près d'un grand singe qui, debout sur ses pattes postérieures, caressait l'enfant de ses deux mains sans lui faire le moindre mal. Tous deux étaient en paix, dans la présence du Maharshi. Quand la voix du Maharshi se fit entendre, le singe prit habilement la fuite et disparut. Madame Pigot fut très impressionnée par cet incident. Entretien numéro 13A. Le lendemain, Madame Pigot demanda au Maharshi : Pour parvenir à la réalisation, un maître est-il nécessaire ? Le Maharshi : La réalisation est le résultat de la grâce du maître, bien plus que des enseignements, des conférences, des méditations, etc. Ce ne sont là que des aides secondaires, tandis que la grâce du maître en est la cause primordiale et essentielle. Quels sont les obstacles à la réalisation du soi? Les habitudes du mental, les vasanas. Comment les surmonter? En réalisant le soi. C'est un cercle vicieux. C'est l'ego qui soulève ces difficultés, qui crée des obstacles et qui, ensuite, souffre de la perplexité que font naître d'apparents paradoxes. Cherchez qui pose les questions et vous trouverez le soi. Qu'est-ce qui peut aider à la réalisation? Les enseignements des Écritures et des âmes réalisées. Ces enseignements peuvent-ils être donnés sous forme de discussions, conférences et méditations? Oui, mais celles-ci ne sont que des aides secondaires. L'essentiel est la grâce du maître. Combien de temps faut-il pour parvenir à la réalisation? Pourquoi désirez-vous le savoir? Pour me donner de l'espoir. Même ce désir-là est un obstacle. Le soi est toujours présent. Rien n'existe en dehors de lui. Soyez le soi, et désirs et doutes disparaîtront. Ce soi est le témoin dans les états de sommeil profond, de rêve et de veille. Ces trois états appartiennent à l'ego. Le soi transcende même l'ego. N'existiez-vous pas durant le sommeil profond? Saviez-vous alors que vous dormiez et que vous étiez inconscient du monde? Ce n'est qu'en état de veille que vous décrivez cette expérience de sommeil comme étant inconscience. Pourtant, votre conscience quand vous dormez est la même que lorsque vous êtes éveillé. Si vous savez ce qu'est cette conscience de veille, vous connaîtrez la conscience qui se tient comme témoin dans les trois états. Cette conscience peut être trouvée en cherchant la conscience telle qu'elle était durant le sommeil profond. Dans ce cas, je m'endors. Aucun inconvénient. C'est un vide. Pour qui est le vide? Cherchez. Vous ne pouvez vous nier vous-même à aucun moment. Le soi est toujours présent et subsiste dans les trois états. Devrais-je alors rester comme en état de sommeil profond et en même temps être vigilante? Oui. Le fait d'être vigilant est l'état de veille. Ce ne sera donc pas un état de sommeil, mais celui d'un sommeil éveillé. Si vous suivez vos pensées, vous serez entraîné par elles et vous vous trouverez dans un labyrinthe sans fin. Alors, je dois remonter à la source de mes pensées. Tout à fait. C'est ainsi que les pensées disparaîtront et que seul le soi demeurera. En fait, pour le soi, il n'y a ni intérieur ni extérieur. De plus, ce sont des projections de l'ego. Le soi est pur et absolu. Je ne le comprends qu'intellectuellement. L'intellect ne peut-il pas aider à la réalisation? Oui, jusqu'à un certain point. Mais rendez-vous compte tout de même que le soi transcende l'intellect, qui doit lui-même disparaître pour que le soi soit atteint. Ma réalisation aidera-t-elle les autres? Oui, certainement. C'est la meilleure aide possible. Mais il n'y a pas d'autres qui doivent être aidés. Car un être réalisé voit le soi tout comme un orfèvre qui évalue la quantité d'or contenue dans divers bijoux. C'est seulement lorsque vous vous identifiez avec le corps qu'il y a des formes. Mais quand vous transcendez votre corps, les autres corps disparaissent en même temps que votre conscience du corps. En est-il de même pour les arbres, les plantes, etc.? Ont-ils quelque existence en dehors du soi? Trouvez cela. Vous pensez que vous les voyez. Cette pensée est projetée hors de votre soi. Cherchez d'où elle s'élève. Les pensées cesseront de s'élever et seul le soi demeurera. Théoriquement, je comprends. Mais les arbres et les plantes sont encore là. Oui, c'est comme une séance de cinéma. La lumière est projetée sur l'écran et les ombres qui y passent donnent l'impression aux spectateurs d'une représentation de film. Et ce serait pareil si dans ce même film, on montrait aussi des spectateurs. Celui qui voit et ce qui est vu ne seront alors rien d'autre que l'écran. Appliquez cela à vous-même. Vous êtes l'écran. Le soi a créé l'ego et l'ego a ses formations de pensée qui se manifestent comme le monde, les arbres, les plantes, etc., dont vous parliez tout à l'heure. En réalité, tout cela n'est pas autre chose que le soi. Si vous voyez le soi, vous trouverez le soi en tout, partout et toujours. Rien d'autre que le soi n'existe. Oui, je comprends. Mais encore seulement en théorie. Et pourtant, vos réponses sont si simples, belles et convaincantes. Même la pensée « je ne réalise pas » est une entrave. En fait, seul le soi existe. Entretien numéro 14. Le Maharshi lisait la version de Sarma en sanskrit d'Arunachala Akshara Manamalai, le premier des cinq hymnes à Arunachala, lorsqu'un homme âgé entra dans le hall et s'assit. Il demanda d'une voix douce « On dit que la réalisation est au-delà de toute expression et qu'elle ne peut pas être décrite. Comment puis-je le comprendre ?» Le Maharshi répondit « Ce point est évoqué dans l'Arunachala Ashtakam, vers 3, où il est admis que, malgré l'impossibilité d'exprimer la réalisation, son existence est cependant indiquée. » Peu après, des signes très clairs d'émotion se manifestèrent chez cet homme. Sa respiration devint profonde et difficile. Il se prosterna humblement en s'étendant à terre et ne se redressa qu'une ou deux minutes plus tard. Puis, après un court moment de silence, il quitta les lieux. Il semblait évident que cet homme avait eu une illumination. Il avait cherché la confirmation auprès du Maharshi qui la lui avait donnée par sa réponse. Humblement et le cœur touché, il avait reconnu dans cette confirmation l'intercession divine qui lui avait été accordée. Entretien numéro 15. Une personne posa une question à propos du passage upanishadique suivant. L'Esprit suprême est plus subtil que le plus subtil et plus grand que le plus grand. Le Maharshi répondit « Même la structure de l'atome a été découverte par le mental. Donc le mental est plus subtil que l'atome. Et ce qui est derrière le mental, c'est-à-dire l'âme individuelle, est plus subtil que le mental. Le saint Tamoul Manikavachakar a dit que si chacun des grains de poussière qui dansent dans un rayon de soleil représentait un univers, la lumière du soleil tout entière représenterait l'être suprême. Entretien numéro 16. Monsieur Douglas Ansley, aristocrate anglais de 70 ans, neveu d'un ancien gouverneur de Madras, auteur et poète, attaché jadis à la légation britannique à Athènes, Paris et La Haye, fut invité à Madras par le gouvernement. Profitant de cette opportunité, il vint rendre visite au Maharshi muni d'une lettre d'introduction de Paul Brunton. Le deuxième jour de sa visite, il resta presque une heure dans le hall. Durant ces deux jours, pratiquement aucun mot ne fut échangé, seulement un regard rencontrant un regard. Les habitudes de M. Douglas Ansley étaient assez frugales. Il ne consommait rien jusqu'au déjeuner de 13 heures et ne prenait que des biscuits et du café dans la soirée. Il marchait quelques kilomètres par jour, l'estomac vide. Il était resté célibataire. Ses gestes étaient élégants. Il parlait peu. Sa voix profonde et douce et ses paroles semblaient sortir droit du cœur. Parmi ses amis, on pouvait compter Sir John Woodruff, Sir Sarvapalli Radhakrishnan et le professeur Thomas, un professeur de sanskrit à l'université d'Oxford. Il exprima le désir d'écouter les Védas. Quelques jours plus tard, une lettre arriva de Riga avec des questions du même genre que celles qui avaient été posées par M. Douglas Ansley. Elles concernaient l'existence des âmes qui ont quitté ce monde et la meilleure façon de les aider. On lui lut à haute voix la réponse envoyée à Riga. Des passages du poème Uladu Narpadu, composé par le Maharshi, et des Védas furent récités en sa présence. Il apprécia beaucoup ses récitations. Il revint l'après-midi suivant et, à la surprise générale, il raconta au Maharshi l'expérience qu'il avait faite la nuit précédente. il avait vu quelque chose en lui, dans le cœur, au centre de la poitrine, ressemblant à une lumière électrique. Et il ajouta avoir vu le soleil briller en lui. Le marche y sourit, puis demanda qu'on lise à l'intention de M. Douglas une traduction d'Atmavidya, la connaissance du soi, où se trouve l'énigmatique déclaration disant que la réalisation consiste à atteindre l'Atman, le soi, lequel est l'espace infini de la conscience, à la différence de l'expansion du mental. Cette explication convainc à M. Douglas. En parlant de lui plus tard, le Maharshi remarqua « Quand on pense que cet homme, âgé de 70 ans, a fait le choix de ne pas rester paisiblement dans sa demeure en vivant de ses rentes, combien intense a dû être sa ferveur pour qu'il quitte sa patrie, entreprenne un voyage de plusieurs milliers de kilomètres en faisant face aux épreuves de ce long voyage en train dans un pays étranger dont il ne parle même pas la langue. » Au lieu de subir les vicissitudes d'une vie solitaire, la rigueur d'un climat torride dans un environnement peu favorable et inhabituel, il aurait pu rester confortablement chez lui. C'est son désir ardent de trouver la paix intérieure qui l'a fait venir ici. Des personnes présentes ajoutèrent que l'intensité de son aspiration se mesurait aux expériences mystiques qu'il avait eues pendant les 4 jours de sa visite. En ce qui concerne la question sur les âmes qui ont quitté le monde, tant qu'un homme s'identifie avec son corps, la pensée matérialisée sous forme physique lui apparaît comme réelle. Parce qu'il s'imagine que son corps vient d'un autre être, l'existence de celui-ci lui paraît aussi réelle que celle de son propre corps. Ayant déjà existé ici-bas, il survivra certainement à la mort puisque son descendant est toujours dans le monde et considère qu'il est né d'un autre, c'est-à-dire de lui. En de telles circonstances, l'autre monde est réel, et les âmes qui ont quitté ce monde bénéficient des prières qui sont offertes à leur intention. Si l'on considère les choses d'un autre point de vue, l'unique réalité est le soi, d'où l'ego surgit. Et l'ego contient les semences des prédispositions acquises au cours des vies précédentes. Le soi illumine l'ego, les prédispositions et aussi les sens grossiers. Il s'ensuit que les prédispositions apparaissent aux sens sous la forme de l'univers, et elles deviennent perceptibles à l'ego, qui est une réflexion du soi. L'ego s'identifie avec le corps et perd de vue le soi. Le résultat de cette inadvertance est l'obscure ignorance et la souffrance de la vie présente. La naissance consiste dans le fait que l'ego oublie son origine, le soi. On peut alors dire que la naissance de l'individu a tué la mère. Le désir de retrouver sa mère est en fait le désir de retrouver le soi, c'est-à-dire de se réaliser soi-même, ce qui équivaut à la mort de l'ego. Cela signifie l'abandon à la mère, afin qu'elle vive éternellement. Le Maharshi lut ensuite à haute voix un passage de la version tamoule du Yoga Vasishtha, l'histoire de Dirga Tapasi et de ses 2 fils, Punya et Papa. Après la mort des parents, le cadet pleurait cette perte et l'aîné le consola ainsi en lui disant « Pourquoi pleures-tu la mort de nos parents ? Je vais te dire où ils se trouvent. Ils sont en nous. Ils sont nous-mêmes. Le courant de la vie est passé par d'innombrables incarnations, naissances et morts, plaisirs et souffrances, etc. Tout comme le cours d'une rivière passe sur rochers, fossés, sables, reliefs et creux. Mais le cours reste inchangé. De plus, plaisirs et souffrances, naissances et morts sont comme des vagues à la surface de l'eau illusoire dans le mirage de l'ego. Le soi est l'unique réalité d'où l'ego apparaît et court à travers des pensées qui se manifestent comme l'univers dans lequel des mères et des pères, des amis et des parents apparaissent et disparaissent. ils ne sont rien d'autre que des manifestations du soi, si bien que les parents ne se trouvent pas à l'extérieur du soi. Il n'y a donc aucune raison de pleurer. Apprends cela, réalise cela et sois heureux.